il est en force, donc il a une force aussi, donc il a aussi donc une force. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté et a loué les mérites des gens de la certitude dans son livre. Et il commence par cela en disant donc, et les loups dit Wabil akhirati hum yuqinun. Donc c'est Hudan al-Muttaqin. On sait bien qu'ici, donc, c'est dans le Baqarah, verset 4. C'est parmi les premières caractéristiques que l'on retrouve dans le Coran. Al-ladina yu'minun bil-ghayb, il-akhiri. Zalik al-kitab ou la raïba fi, Hudan al-Muttaqin. Qui soit al-Muttaqin, c'est comme s'il y avait donc deux points, ouvrez les guillemets, Al-ladina yu'minun bil-ghayb. Jusqu'à, yani, wabil-akhiratum yu'qinun. Voyez un petit peu les maqamats, les positions donc des réels croyants. C'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah rahmoullah, par rapport à ce verset, il dit bien al-iman bil ghaib aslu al-iman. Al-iman bil ghaib aslu al-iman. La croyance en l'invisible, c'est l'origine de la croyance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a commencé par ça dans le Coran. Il commence par montrer les premières sifats, les premières qualités des croyants en parlant de cela. Il dit wa bil akhirati hum yuqinun. Et en l'au-delà, ils ont la certitude, ils savent qu'ils vont rencontrer Allah, ils savent qu'il y a le dahr, ils savent qu'il y a un, donc il y a aussi le maqam, ils savent qu'ils vont être questionnés, ils savent qu'il y a le sirat, ils savent qu'il y a le jannah ou le nar après cela, ils savent tout ça. Wa bil akhirati hum yuqinun. L'akhira commence donc fi al-qabr. Al-qabr awwal manazil al-akhira. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Ils savent tout cela. وقوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون. Certes, nous expliquons clairement, nous détaillons les versets ou les signes pour les peuples qui ont la certitude. Dans Sourate Al-A'raf, verset 32. وقوله في حق خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام المتقين وإمام الأنبياء. Et aussi donc par la parole de vérité donc de son ami Hakim al-Khalil Ibrahim alayhi salam, donc qui est la meilleure personne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celle dont il nous a été demandé de suivre, c'est bien Ibrahim, il nous a été demandé de suivre donc la religion d'Ibrahim, tellement il a bien expliqué et mentionné le tawhid. كذلك نوري إبراهيم ملك السماوات والأرض ليكون من الموقنين. Donc certes, nous avons montré à Ibrahim donc les royaumes des cieux et de la terre afin qu'ils fassent partie de ceux qui ont la certitude. Ont donc la certitude. Dans surate An-Naml, le verset auparavant c'était An'am 75 et ici An-Naml 82. Certes, les gens n'avaient pas la certitude en nos signes. فَإِذَا بَشَرَ الْقَلْبِ الْيَقِينِ امْتَأَلَ نُورًا وَإِنْتَفَ عَنْهُ كُلُّ رَيْبُ وَشَكِ. Si la personne, donc le cœur de la personne est touché par la certitude, son cœur va être rempli de lumière et il va repousser les doutes et les ambiguïtés, il va repousser tout ce qui est donc doute, tout ce qui est douteux. وَعُفِيَ مِنْ أَمْرَضِهِ الْقَاتِلَ. Et il sera guéri de ces maladies qui tuent. Maladies qui tuent le cœur, le doute. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui doutent jusqu'à مَنْ خَلَقَ اللَّهِ. Donc qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment-là? Que dit-on lorsqu'on entend مَنْ خَلَقَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ, hein? On dit quoi? On dit bien donc آمَنْتُ بِاللَّهِ, je crois en Allah. Ou bien on récite le verset, hein? Donc وَالْأَوَّلْ donc il a créé jusqu'à la fin du verset. Donc, on récite ce verset comme la personne qui a dit à Ibn Abbas qu'il avait donc dans son cœur des choses qui donc préférait en vérité être jeté. Donc il a expliqué qu'il avait dans son cœur des choses qui le gênaient, donc des choses qui étaient graves et qui le gênaient. Donc au point, ils ont même dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont des choses qui sont graves, qu'il est jeune, ils préfèrent être jetés de très haut plutôt que de le prononcer. Donc c'est des doutes sur la religion d'Allah Azza wa Jalla, c'est des doutes sur Allah Azza wa Jalla. Et voici comment Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Donc le grand savant du Coran a expliqué, a dit. Il a dit, récite ce verset. Il n'a pas dit, va voir un tabib, nefs, qui va envers ton pensée dans tes problèmes, il ne va pas t'arranger. Récite ce verset qui enlève et dissipe le doute. Car si Allah est le premier, il n'y a pas personne avant lui, personne n'est venu avant lui. Si Allah est le dernier, donc personne n'est après lui. Et il il est le voyant et personne n'est avant lui, et il est, donc il, et personne n'est après lui, et il est aussi le caché et personne n'est avant lui. Donc de là fait que les gens auront la croyance sur Allah Azza wa Jalla de ce qu'il faut par rapport à justement au fait de repousser le doute. Ça pousse les al-wasawis. Ce verset repousse donc al-wasawis. Donc ça, comme on l'a dit, donc il va repousser ici les doutes. Et il va donc être sauvé ou saint des maladies qui tuent le cœur. وإن تعالى شكرا لله وذكرا له ومحبة وخوفا. Et son corps va se remplir de remerciements et aussi de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, ainsi que de rappel envers Allah Azza wa Jal, et d'amour envers Allah Azza wa Jal, et de peur envers Allah Azza wa Jal. Celui qui a ça dans son cœur, c'est vraiment, c'est un cœur d'un croyant qui est fort. Parce que le shukr, c'est parmi, c'est une grande menzila. Celui qui est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, certes, Allah Azza lui donne sans compter. La in shakartum, la azidannakum. Si réellement, donc si vous lui êtes reconnaissant, il va vous donner. Et là, il n'y a pas de qaïd. Il n'y a pas, comme dans énormément de versets, les maïachins. Des fois, s'il fait ça, Allah, il dit à qui il veut. Et ici, Allah, il a dit, il n'a pas dit à qui il veut. C'est-à-dire que c'est, il s'est rendu obligatoire à lui-même de augmenter à celui qui va remercier, celui qui va être reconnaissant. C'est pour ça que les ulémas ont dit que sir dawam al-ni'am al-shukr, le secret de la continuité des ni'amas, c'est le remercier. Quand un ni'ama disparaît, réfléchis, est-ce qu'à un moment donné tu n'as peut-être pas remercié. On a eu peut-être une lacune en ce moment-là, un manquement dans le fait de remercier Allah Azza wa Jalla. Après aussi le zikra, hein, on sait que zikr, le rappel d'Allah Azza wa Jalla, c'est pour cela. Les zikr, yani pour se rappeler d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire pour mentionner Allah Azza wa Jalla, pour, donc, si tu es mentionné et se rappeler d'Allah Azza wa Jalla, les adorations sont venues. N'est-ce pas qu'on commence par Allahu Akbar, tout ce qu'il y a dans le sujoud, dans le recours. N'est-ce pas qu'au Hajj, on invoque Allah Azza wa Jalla énormément, on demande. Donc les adorations, ces adorations, elles sont venues pour invoquer Allah Azza wa Jalla. Donc les adorations, elles ont été bâties, elles existent pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but principal. C'est pas juste de faire des gestes, mais c'est pour être totalement donc recueilli et demander à Allah Azza wa Jalla et d'invoquer son pardon et de lui demander son paradis. Il a créé de demander les biens que dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est ça le but. Mon mahabbata et l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et encore une fois, l'amour d'Allah Azza wa Jalla, on sait bien que c'est le pilier. C'est le pilier le plus important des piliers de l'adoration du cœur. Vous connaissez les piliers de l'adoration du cœur, qui sont l'amour, la crainte, la peur. Et l'amour d'Allah Azza wa Jalla, donc c'est sans lui, tu n'as pas d'adoration. Ton adoration est morte. Donc ton adoration n'existe pas. C'est le premier pilier, le pilier le plus important, donc, c'est-à-dire vis-à-vis de l'adoration. Si tu n'aimes pas Allah, donc tu n'auras pas l'adoration. Tu n'auras, donc toutes tes adorations seront vaines, elles ne seront pas acceptées. Wa khawfan, peur. La peur, ça te permet de te souvenir de quoi? De la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Et qu'Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Et que donc, il faut avoir peur. Pas juste de son châtiment parce que tu as commis le péché, mais il faut aussi avoir peur de ne pas quitter la voie droite que tu es en train de suivre actuellement. Ça ne s'arrête pas au fait de ça y est, je suis sauvé. Là, tu seras sauvé, tu le seras ça dans ta tombe. Et donc c'est pour ça qu'il faut adorer jusqu'à la mort. Donc il ne rien donc lâcher. Donc la peur, c'est pas juste le fait de ne pas faire du châtiment, mais c'est aussi avoir peur de s'égarer en délaissant, hein, le fait de ne pas s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'avait peur Abu Bakr as-Siddiq ou Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ils avaient peur jusqu'à la dernière seconde. Abu Bakr as-Siddiq, alors qu'on connaît donc sa position, il dit, j'ai peur que si je délaisse une seule sunna, car fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je m'égare. Il a peur de l'égarement pour une seule sunna. Et pour toi, c'est Abu Bakr al-Siddiq qui dit ça. Donc, d'où l'importance d'avoir toujours donc, cette peur dans son cœur. Fahayya al-Bayyina, donc il vit, bien sûr, donc, avec clairvoyance, avec délire, bien dit. وَالْيَقِينِ وَالْمَحَبَّةِ هُمَا رُكْنَ الْإِيمَانِ وَعَلَيْهِمَا يَنْبَنِي بِهِمَا قِوَامُهُ. La certitude et l'amour sont les deux piliers de la foi. Et les autres piliers de la foi, c'est-à-dire le reste de la foi, va être bâti à partir de l'amour d'Allah et de la certitude. وَهُمَا يَمُدَّانِ سَائِلَ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَةِ وَالْبَدَنِيَةِ. Et tous les autres actes, donc tous les autres croyances, et les autres actes qui proviennent du cœur, l'acte du cœur, c'est le khawf, c'est le mahabba, c'est le raja, c'est le tawakkul, c'est tout ça les actes du cœur. Donc les actes du cœur. Et les actes physiques, donc découlent de cette certitude, de cet amour. Tu as l'amour d'Allah, tu as la certitude, de là, tu vas pouvoir en réalité œuvrer comme il le faut. Wa anhuma tasdur, et d'elles, elles proviennent. Wa bi da'fihima yakun da'ful a'mal. Si l'amour d'Allah Azza wa Jal et la certitude en Allah Azza wa Jal sont faibles, donc les actes seront faibles. Wa bi quwwatihima quwwatuha. Et le contraire aussi. Si ces actes, si il y a une force dans cet amour et dans cette certitude, il y aura une force dans les actes, qu'elles soient qu'elles proviennent du cœur ou qu'elles proviennent donc du corps. Wa jami' manazil as-sahirin wa maqamat al-'arifin innama tuftahu bihima. وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. Et tous les niveaux de ceux qui vont vers Allah Azza wa Jal et tous les niveaux de ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal sont ouvertes. En vérité, les gens, on connaît les gens de beau degré, les compagnons, beaucoup de tabi'in, beaucoup de pieux prédécesseurs, il a créé. Comment ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils sont passés par cela. Allah leur a ouvert cette voie de cette adoration et d'être des gens importants dans l'islam, c'est-à-dire auprès aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'acquérir un haut niveau de foi, donc un haut degré de foi, parce qu'ils sont passés par la porte de l'amour d'Allah azza wa jalla ainsi que la certitude. Et découle de cette certitude et de cet amour, donc chaque acte pieux et chaque acte pieux et chaque œuvre, ou bien science plutôt, qui sera profitable. C'est quoi? C'est din al-haq wa al-huda. Al-huda wa din al-haq. Al-huda c'est quoi? C'est al-ilm al-nafi' wa din al-haq, c'est al-amal al-salih. C'est cela. Donc, wa huda al-mustaqim, une guidée donc droite. Qala al-Junayd, al-yaqinu huwa استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. Donc le journal dit, Alhamdulillah, la certitude est l'affermissement de la science qui ne se retourne pas, ni ne change, donc ni va en vérité donc changer dans le cœur. Ni elle va se détourner, ni elle va se retourner, ni elle va se changer dans le cœur. وقال السهم حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه السكون إلى غير الله. السهم dit, il est honteux pour un cœur qui a senti ou qui a goûté donc qui a senti l'odeur de la certitude et qui l'est apaisé par autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il est attiré, apaisé par autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors que lui, il a connu la certitude, c'est honteux pour lui. وَقِيلَ, on dit aussi, وَمِنْ عَلَمَتِهِ الْإِلْتِفَاتُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَازِلًا. Parmi les signes de la certitude, c'est que de se retourner vers Allah Azza wa Jalla dans tout moment difficile. Nazila, des fois, c'est des grosses épreuves. Nazila, c'est lorsqu'il nous arrive quelque chose. Donc, la personne, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, elle pense à se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rujuhu ilayhi fi kulli amr. Et de revenir vers lui, vers toute chose. وَالْإِسْيَعَانَةُ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ. Et de demander de l'aide à Allah Azza wa Jal, donc dans chaque situation. Qu'est-ce qu'on dit? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. N'est-ce pas? Dans Surat al-Fatiha. Ça, c'est la première position, c'est la première parole de l'homme dans le Coran. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous demandons de l'aide. Donc, Cheikh Issam Ibn Taymiyyah dit à ce moment-là, il dit que j'ai médité sur tous les versets du Coran, et j'ai pas trouvé de verset plus complet et plus explicite de l'islam complet que donc que ce verset-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pas le meilleur, mais c'est plus complet. Le meilleur aussi que c'est Ayatul Kursi. Donc, il faut bien comprendre. Parce que Ayatul Kursi, il y a les noms, il y a tribut dans l'Azhar, il y en a 10. Tandis que là, on parle de ce qui va englober l'islam. Ce qui va en vérité être plus complet et englober l'islam. Et c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et de là, Ibn Qayyim rahimahullah, il a écrit des livres par rapport à ça. Il a écrit des tomes. Et il a, donc, Madarij as-Salikin. Et il a donc énormément mentionné de bienfaits par rapport à ce verset. Et il dit aussi que Iyyaka na'budu, c'est la moitié de la religion. Parce que c'est quoi? C'est Al-Inaba, le fait de revenir vers Allah Azzawajal par l'adoration. Iyyaka nasta'in, c'est le fait de tawakkul ala Allah. C'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Pour justement l'adorer. Tu t'en remets à lui. Donc on voit qu'il faut une force, il faut un yaqin pour cela. C'est pour ça que l'isti'ana fait partie, donc, c'est la moitié de la religion. L'isti'ana, le fait de demander à Allah Azzawajal de l'aide, dans tout, dans toute chose, et ben c'est la personne qui est réellement comme ça, elle aura donc acquis la moitié de la religion. Wa iradatu wajhihi bi kulli harakatin wa sukun. Et ça c'est quelque chose de difficile, quelque chose qui demande vraiment jihad nafs, c'est de demander, d'espérer la face d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu fais en vérité, dans tous tes gestes. Dans tout ce que tu fais, tu espères quoi? Donc, tu es sincère, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu espères la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est. On a énormément de gestes dans notre vie, il y a énormément de choses, et tout ça, donc, il faut. Donc, c'est-à-dire, en vérité, la sincérité, elle ne peut pas se détacher de toi. La sincérité, elle t'accompagne, tout le temps. Elle ne peut pas se détacher de toi, c'est impossible. Si elle se détache, donc tu perds. Tu perds l'œuvre que tu as fait. Tu l'as perdu. C'est en vérité de la fatigue. Donc il ne faut pas que la sincérité se détache de toi. Donc ça demande, donc en vérité, ici, Mujahada. Waqala Sarri, al-yaqinu, al-sukunu, inda jawlani, al-mawarid, fi sadrika, itayakunika, anna harakataka fiha, la tanfa'uka, wa la taruddu anka, maqdiya. Sarri dit al-yaqin, c'est le fait en vérité d'avoir en toi. Donc lorsque les mauvaises pensées viennent, lorsque les mauvaises pensées tournent dans ta poitrine et recherchent une place pour y rester, c'est que toi en vérité lorsqu'il y a ça, tu sais que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Tu sais qu'en vérité ces choses-là, si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Car tu as la certitude. Cette certitude, elle sait que, elle sait reconnaître les choses et elle sait que cette chose-là en réalité elle est mauvaise et bien sûr donc elle va la repousser. Ça l'est affirmé. Comme nous dit donc Sarri. Donc chacun va donner une explication, même si des fois c'est des mots différents, mais qui restent, on va dire, tous se rejoignent. Donc toutes ces explications, elles se rejoignent, et elles se complètent. C'est pour ça que certains ont dit, donc, وَقِيلَ إِذَا إِسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْيَقِينَ صَارَ الْبَلَاءُ عِنْدَهُ نِعْمَةً وَالْمِحْنَ مِنْحَ وَالْعِلْ أَوَّلْ دَرَجَةِ الْيَقِينَ. Certains ont dit, lorsque la personne a complété donc la réelle certitude, l'épreuve chez lui est une ni'ma. L'épreuve chez lui est une ni'ma, comme on l'a vu chez certains donc célèbres qui agréent, ça c'est le plus haut degré d'agréer ce que Allah t'a donné. Tu agrées. Il y en a qui vont remercier Allah, il y en a qui vont agréer. Il agrée totalement ce que Allah lui a donné comme malheur. Maintenant, un enfant qui lui est plaint, Allah lui reprend un enfant. Il agrée, il sait que la réponse est derrière, il est content de cela. Ça, c'est le plus haut degré de ça. Dieu justement de dire que ça c'est ni'ama. Alors il me crée un enfant, c'est ni'ama. Il va en, le va mentionner comme si c'était un grand bienfait. Alors que c'est une grosse épreuve. Parce que c'est chez lui donc une ni'ama. Et lui il va être bien sûr énormément récompensé. Et le mihna, donc toujours après cette épreuve-là, c'est en vérité, donc c'est comme un salaire, c'est en vérité, toujours quelque chose, un bonbon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ilm, la science, est le premier degré du yaqin. Il faut de la science pour pouvoir avoir le niveau de la certitude. وَلِهَذَا قِيلَ الْعِلْمُ يَسْتَعْمِلُكَ وَالْيَقِينُ يَحْمِلُكَ فَالْيَقِينُ أَفْضَلُ مَوَاهِبِ الرَّبِّ لِعَبْدِهِ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ رِضَ إِلَّا عَلَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ. C'est pour ça que l'on dit, lorsqu'on dit qila, donc des savants qui disent, la science t'utilise et la certitude te porte. Et la certitude est le meilleur don de la part du Seigneur envers son serviteur, tabaraka wa ta'ala. Et les pieds ne seront pas enfermis. Donc les pieds de l'agrément, le rida, ne seront pas raffermis que par le degré de la certitude. Allah Azza wa Jalla, il a appelé comment donc, qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux compagnons? Radiallahu anhum, radu anhum. Les meilleurs, donc il leur a donné le meilleur degré, rida, l'agrément. Il n'y a pas meilleur que de recevoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les compagnons ont dit, radiallahu anhum, on ne dit pas autre chose. Il n'y a pas mieux. S'il y avait mieux, on aurait dit mieux parce que ce sont les meilleures personnes après les envoyer. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, sont meilleurs que les compagnons qui ont été avec Moussa ou avec Isa al-Akhiri. Hein? Il n'y a aucun compagnon sur terre, c'est-à-dire de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur qu'Abu Qasim. Tous, comme ça, même dans les autres religions. Parce que ça a été donc le meilleur prophète, la meilleure religion et les meilleurs compagnons. Il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que le fait de dire donc, Rajallah anhu. Et c'est pour ça que les as, c'est donc le haut degré. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, c'est sur le Taghabun, verset 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah, wa ma yu'minu billah yahdi qalbah. Donc chaque donc, malheur qui vous afflige n'est apparu que par donc, la permission d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui croit en Allah, alors donc, il guide son cœur. Il l'a bi'idnillah. Soyez certains que ce qui vous arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vous afflige. وَيَقُلْ ابْنُ مَسْعُودُ وَالْعَبْدُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِدِ اللَّهِ فَيَرْضَ وَيُسَلَّمُ. Donc, Abdallah ibn Mas'ud dit, Rajmanou, vis-à-vis du verset de cela, le serviteur, donc, il est affligé par un malheur, il sait que cela provient de la part d'Allah et il agrée et se soumet. Il agrée, il accepte, il se soumet. C'est la volonté d'Allah, je ne vais pas changer les choses. C'est un risque. C'est en vérité un risque. وَلِهَدَا لَمْ يَحْسُلْ لَهُ هِدَايَةُ الْقَلْبِ وَرِدَا وَالتَّسْلِمِ إِلَّا بِيَقِينِهِ. C'est pour cela que la personne ne va pas avoir le cœur guidé, ne va pas avoir l'agrément, posséder l'agrément et la soumission, le fait d'accepter, que par certitude. الْوَجُّ الْعَاشِرُ وَالْمِيَةُ. Le point 110. Al-ilmu faridatu shar'iyya. La science donc est une obligation religieuse. Est une obligation religieuse. Ma rawahu Abu Ya'la al-Mawsili fi musnadihi min hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu alladhi yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Et bien sûr, avec les shawahid de ce hadith, il arrive au darajat al-hasan, il est hasan. Par rapport à certains, on va retrouver du daf, et on arrive à la daraja comme quoi que ce hadith, il est bon. Donc, ma'anahu sahih, fa inna al-imana fardun ala kulli wahid. Car la foi est une obligation pour chacun d'entre nous. La foi est une obligation pour chacun d'entre nous. Wa hiya mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amal. Qu'est-ce que la foi? La foi, donc, c'est quelque chose, ou bien Maria, c'est quelque chose ici, qui va être accompagné par la science et l'acte. Pas de foi sans science et sans acte. Il n'y a pas de foi. Inna alladhina amanu wa amilus salihat. Tout le temps, on voit ça. La majorité des versets qui montrent les paradis, À chaque fois que c'est toujours certes ceux qui ont cru et ont donc fait de bonnes œuvres. Énormément de versets par rapport au paradis. Ils ont cru, donc c'est quoi la croyance? Comment t'as cru? Par al-ilm al-nafi' wa amal salih, c'est al-amal salih. C'est l'amal salih. Donc il faut cela. Donc il faut al-ilm, il faut al-amal. Les deux accompagnés. Fala yutasawwar wujud al-iman illa bil-ilm wal-amal. On ne peut pas s'imaginer que la foi existe que par la science et par le cri. Donc la personne peut dire comme elle veut. Les prétentions, on les met de côté, ils ne servent à rien. Hein? Et on sait bien que قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Dites, donc réellement si vous aimez Allah, dites réellement si vous aimez Allah, donc suivez-moi. Comme l'a dit notre Imam Allah, la mère Kathula Mudda'un, quand je dis des fois donc, une parole d'un savant, ça se peut que ce n'est pas la parole, il y a dit texto. Mais si bimana qawlihi. Donc il me dit bimana qawlihi. Donc la makathra mudda'un, il y a les mahabbat, il y a dit tolibu bil bayan ou bil hujja. Donc lorsque beaucoup de gens ont prétendu avoir la foi, on leur a demandé de nous le prouver. La foi, ce n'est pas ibdi'a bil lisan. Mais c'est en vérité, donc réellement, donc. La science et l'œuvre. La science et la mise en pratique. Wa alaykoum salam. Thumma shara'a al-islam wajibatun ala kulli muslim wa la yumkinu adabuha illa ba'da ma'rifatiha wal 'ilm biha. Wa Allah ta'ala akhraj 'ibadahu min butuni ummahatihim la ya'lamuna shay'a. Fa talabul 'ilm faridatun ala kulli muslim. Puis après, lorsqu'on parle des actes de l'islam, shara'a l'islam, donc tout ce que Allah a légiféré, donc sont une obligation pour chaque musulman. Et on ne pourra pas donc mettre en œuvre ces obligations d'Allah Azzajal qu'après les avoir connues à travers la science de ces œuvres-là. Et Allah Azzajal a sorti donc ses serviteurs du ventre de leur mère alors qu'ils ne connaissaient rien. Donc, l'apprentissage de la religion est une obligation pour tout musulman. وَهَلْ تُمْكِنُ عِبَادَةُ اللَّهِ أَلَّتِي هِيَ حَقُّهُ عَلَى الْعِبَادِ كُلِّهِمْ إِلَّا بِالْعِلْمِ. Est-ce qu'il est possible que l'on adore Allah alors que c'est un droit d'Allah envers ses serviteurs, tous sans exception, que par la science? On ne peut passer que par la science. وَهَلْ يُنَى الْعِلْمِ إِلَّا بِطَلَبِهِ. N'est-ce pas que la science ne va s'apprendre, ne va s'acquérir que par l'apprentissage? Donc ici il y a deux catégories de sciences vis-à-vis de l'apprentissage. On va retrouver ici deux catégories de sciences par rapport à l'apprentissage. Darbun minhu fardu'ayn, la science qui est obligatoire à tout à chacun. Fardu'ayn, obligatoire à tout à chacun. Wala yata'u muslimu jahlahu, il est interdit pour chaque musulman d'être ignorant de certains points de la science. Wahu anwa', il y a ici encore dans cette science-là plusieurs donc, catégories. La première catégorie, la science donc des bases de la croyance qui sont au nombre de 5. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir. Pourquoi ici il dit 5? Combien sont les clés de la foi? Pourquoi ici il dit 5? Parce que c'est 5 qui sont mentionnés dans le Coran. Le 6e est mentionné dans le hadith qui est donc le hadith que vous connaissez de Jibril, il n'est pas mentionné dans le Coran. C'est quoi? La qadr khairihi wa sharihi. Et ça, c'est le destin. C'est ce qui arrive sur la terre. Mais ce n'est pas la croyance en l'invisible. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, hein, wa al-yawm al-akhir. Tout ça, c'est du domaine de l'invisible. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés comme ça dans le Coran. Et tandis que là, c'est vis-à-vis des actes, c'est vis-à-vis de ce qui se passe sur la terre, de ce qu'Allah a décrété. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il est mentionné à part. C'est pour ça que Ibn Qayyim, quand il parle récemment, souvent plutôt, parfois, donc généralement, quand Ibn Qayyim il parle, il mentionne au soulève l'iman al-khamsa. Donc ne sachez que c'est fait partie, c'est les piliers de la foi. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi il n'a pas dit le septa. Alors qu'en vérité, il y a le 6e qui a été mentionné dans le hadith d'Ibril. فَإِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَذِهِ الْخَمْسَ لَمْ يَدْخُلْ فِي بَابِ الْإِيمَانِ. Celui qui ne croit pas en ces 5 piliers n'est pas rentré dans la porte, dans le chapitre, ou dans cette porte de la foi. Il n'a pas la foi. Vous savez qu'il n'a pas la foi. Dans le hadith d'Ibril, il est venu justement par rapport à ça. Parce que des gens ont mécru à quoi? Au qadar, au destin. Ils ont dit que, ils ont cru au destin, mais ils ont dit qu'Allah ne connaît pas ce qui va advenir. Il connaît ce qui est passé, il se connaît qui est sur le moment, mais il ne connaît pas l'avenir. Et donc, Ibn Rahman avait dit qu'ils sont innocents de lui, il est innocent d'eux, juste à ce qu'ils croient en la foi, juste à ce qu'ils croient. Donc, il avait dit qu'ils n'étaient pas croyants. Donc, il montre bien qu'ils ne sont pas croyants parce qu'ils ont renié. Renier un pilier de la foi, c'est renier toute la foi. On est obligé de croire en ces six piliers. Je ne dis pas je crois en ça, je refuse ça. T'as tout renié. T'as tout renié automatiquement. Donc, voilà, yastahiq ism al-mu'min. Il ne mérite pas de se faire appeler croyant. Yaqulu ta'ala, walakin al-birra man amana billah wal yawm al-akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin. Dans ce Baqara justement, verset 177, donc par rapport au birr. Donc, comme on avait dit, il y a le birr qui englobe donc toutes les adorations. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ça, c'est soit une histoire, verset 136. Celui qui mécroit en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses envoyés au jour dernier, donc, s'est égaré d'un égarement lointain. وَلَمَّا سَأَلَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ صَدَقْتَ. Donc il a dit, tu as dit vrai. فَالْإِيمَانُ بِهَذِهِ الْأُصُولِ فَرْعٌ مَعْرِفَتِهَا وَالْعِلْمُ بِهَا. Donc فَرْعٌ مَعْرِفَتِهَا وَالْعِلْمُ بِهَا. Donc de croire en ça, en ces piliers-là, découle de quoi? Découle que tu les as connus. Que tu as connu ça. Mais tu as connu ça quoi? Pas à travers la science. Donc il t'a fallu d'abord le savoir pour avoir cru. Tu n'as pas cru de toi-même comme ça. Tu as su. Tu ne l'as pas inventé. Tu as su à travers les versets, à travers les hadiths. Donc tu as eu science de cela et après tu as cru. Donc on a vu la première catégorie. Donc on avait vu qu'on parlait du tawhid ici. La foi, la croyance. La croyance en l'invisible. Deuxième catégorie, ilmu shara'i al-islam. Lazimu minha ilmu ma yakhussu al-abda min fi'liha. Ka ilmi al-wudu wa as-salat wa as-siyam wa al-hajj wa az-zakat wa tawabi'iha wa shurutiha wa mumtilatiha. Donc le fait de connaître donc ce que Allah azza wa jalla a légiféré, la législation d'Allah et ce qu'on a besoin, on a besoin pour cela donc de la science de cela afin de mettre en application par rapport à cela, comme le fait de savoir comment on s'ablutionne, comment on se purifie, comment on prie, comment on jeûne, comment on effectue le hajj, comment on va s'acquitter de ses zakat, et tout ce qui a attrait dans le hajj, comment on fait aussi, mais tout ce qui a attrait à sa tawabi'a, ainsi que ses conditions et ce qui va annuler. Le hajj, tu dois connaître les conditions, tu dois connaître ce qui annule. Combien de gens sont partis, n'ont pas terminé le hajj, ils partent, maintenant ils ont. N'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela. Donc le shir, Chantine l'a déjà dit, donc reste en état d'Ihram jusqu'à ce que tu rentres dans le pays, jusqu'à ce que tu reviennes en Arabie, terminer ce que tu as fait. Imaginez-vous un petit peu par exemple les cas où des gens qui ne savent pas combien de tours il faut faire, ou des gens qui ne pensent, savent pas que Arafat c'est un pilier d'Islam. Il est déjà arrivé un responsable donc de Hajj, de grands groupes, donc c'est dans les pays arabes, donc c'est des grands groupes vraiment. C'est un responsable de l'Iberta qui a dit celui qui veut faire Arafat le fait, celui qui ne veut pas faire Arafat ne le fait pas. Il reste à l'hôtel. Quelqu'un a déjà dit ça. Vous voyez l'ignorance où amène. Donc il va faire perdre le fait d'énormément de gens. Énormément de gens, avec sa petite parole de fais-toi alors qu'à l'origine, il n'a aucune science de cela. Donc il est important aux musulmans de savoir. Il vaut mieux savoir à l'avance, prendre son temps, comprendre la chose, plutôt qu'après se retrouver à des fois payer 1, 2, 3, 4, 5 moutons. Il y a des gens qui payent pendant le hajj 4, 5 moutons parce que j'ai pas fait ça. Ils ont plein d'erreurs. Donc à chaque fois, c'est quoi? C'est hein, donc une dhabiha. Si ils ont des milliers d'euros ou des centaines d'euros à dépenser, qu'ils le fassent. Mais surtout pas ça. Pourquoi tu fais un hajj où tu t'amuses à dépenser, à égorger alors que tu n'as pas fait ce qui t'est demandé, qui est en réalité simple et facile? Donc il faut penser à ça. Le mieux, c'est de connaître. Mais vous voyez, le djihad, il fait mal. En réalité, le djihad fait mal. Donc les conditions du hajj, les annulations de ce hajj, kazalik. Al-Nur al-Thalid, ilmu al-Muharramat, al-Khams. La science des cinq interdictions. certaines choses qui sont illicites. اتفقت عليها الرسول والشرائع والكتب الإلهية. Ces cinq interdits sont existés donc à l'époque du prophète Mohammed, ainsi qu'à l'époque de tous les envoyés. Ça, c'est les interdits qui ont toujours existé. Donc, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهي المذكورة في قوله تعالى قول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc sur l'Araf, verset 33, vous connaissez ce verset. Donc il dit, certes, إنما. Donc c'est ça qui va montrer que ça prouve que ça a été donc même interdit avant. Notre Seigneur, donc mon Seigneur, a interdit les fawahish, les turpitudes, celles qui sont apparentes et cachées, ainsi que les péchés, et aussi le bari, donc le fait de causer tort à autrui sans raison. Deux en vérité, donc de causer tort à nuire à autrui sans raison. Et que vous aussi, donc vous associez en Allah, alors qu'Allah n'a rien descendu de preuve, n'a descendu aucune preuve en cela, et que vous dites, que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Ce que vous disiez sur Allah, ce que vous ne savez pas. Non. Et pourtant, avant ça, on a le shirk. Et les ulama ont bien dit que ces versets-là sont venus donc par état, par ordre, du toujours plus grand péché. De dire sur Allah ce que tu ne sais pas, amène au shirk. Il est pire que le shirk. Il amène au shirk. Et combien de gens ont dit des choses sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, en faisant ressembler Allah Azza wa Jal à des gens, en faisant des choses comme ci, ou bien en reniant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont arrivés à adorer du néant. Ils adorent du néant, tout simplement, parce qu'ils ne lui donnent ni nom, ni attribut, hein, ni essence. Donc, ils sont arrivés à adorer du néant. Hein, abtalou. Donc, c'est des saints. Et eux, ils rentrent dans « wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamu ». Donc ici, فَهَدِي مُحَرَّمَةَ عَلَى كُلِّ أَحْدٍ يَنِي فِي كُلِّ حَلْ عَلَى لِسَنِي كُلِّ رَسُولِ. Donc ces interdictions sont pour tout le monde, sont en toute situation et ont été donc mentionnées donc en tout temps, c'est-à-dire dans les époques de chaque compagnon, chaque envoyé, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, ça a toujours existé. لَا تُبَحُ قَطْ. Elles sont interdites, mutlaqan. Ici on a le droit d'Allah et on a le droit des serviteurs, al-bari. De faire du mal aux autres sans raison. وَلِهَذَا أَتَى فِيهَا يَنِي إِنَّمَا الْمُفِيدَ لِلْحَصْ مُتْلَقًا. Donc c'est ici un has bien déterminé et c'est absolu. وَغَيْلُهَا مُحَرَّمُونَ فِي الْوَقْتِ وَمُبَحُمْ فِي غَيْلِهِ. Et les autres péchés, à part cela, sont interdits des fois et des fois ils peuvent être permis si un darura. On parle par rapport à حَلَةَ الدَّارُرَ. Le chiffre qu'il est interdit à la كُلِهَا. Mais des choses qui peuvent être des fois interdites, mais ça se peut qu'au moment de Darura, on peut l'utiliser. Hein? Donc, c'est-à-dire avec sa juste mesure. Il donne un exemple. Kalmayita, waddam, walahmin khanzir, wanahmin. Si maintenant la personne doit manger, la mahal, elle est vraiment donc retirée tout, il n'y a rien. Il faut qu'elle mange, sinon elle peut mourir, elle commence à être très faible, il y aura une bête morte. Elle n'a pas été gorgée dans la rage, à ce moment-là, elle peut manger. De quoi? Reprendre ses esprits, reprendre ses forces. Juste de quoi ça? Même chose pour le sang, même chose pour donc, la viande de porc et autres. فهذه ليست محرمة يعني على الإطلاق والدوام فلم تدخل يعني تحت تحريم المحصول المطلق. Donc ces interdictions n'ont pas été absolues car elles peuvent être permises sous condition. C'est pour ça qu'elles ne sont pas entrées dans cette dénomination qu'on a retrouvée par rapport à ce verset. On ne la retrouve pas dans ce qui a été mentionné par rapport à ce verset. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. La science des règles de bienséance, de convivialité, de vie avec les autres, et aussi de transactions avec les autres, donc de façon spécifique et de façon générale. فالواجب في هذا النوع يعني يختلف باختلاف أحوال الناس. Donc ici l'obligation va être en vérité selon les gens vis-à-vis des uns des autres. J'ai des obligations envers ma mère, ce que toi tu n'as pas des obligations envers ma mère parce que tu ne connais pas ma mère. Moi je n'ai pas d'obligation envers certains parents de certains de vos parents, comme vous vous avez des obligations envers certains de vos parents, et ainsi de suite. Donc on peut s'imaginer énormément de cas. Donc il dit, فليس الواجب يعني على الإمام مع رعيته كالواجب على رجل مع أهله وجيرته. Donc l'imam, l'émir, le gouverneur. Donc lui, il n'a pas d'obligation envers ton épouse ou tes voisins, comme toi tu as des obligations envers ton épouse et tes voisins. Parce que ce sont tes voisins, toi, pas les voisins de lui. Alors que lui, il y a des obligations envers Raïa. Mais c'est fait amma, c'est de façon générale. Mais toi, tu as à ce moment-là ici quoi? Des obligations de façon bien précise et bien spécifique. Et déterminée par la Sharia aussi. Voilà, c'est loi Jibou. Alors maintenant, ça va neuf saou, les anwar et tijaraz, mintaalumi ahkam et bayat. كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدل حاجة إليه. Donc aussi, ce n'est pas obligatoire pour celui qui est dans le commerce, donc le commerçant, et lui doit connaître donc les règles du commerce, mais tandis que celui qui n'est pas commerçant, ce n'est pas une obligation pour lui de connaître les règles du commerce, parce qu'il n'achète que ce qu'il a besoin, les nécessités. Il s'arrête aux nécessités. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط لإختلاف الناس في أسباب العلم الواجب. Donc ici, il ne peut pas avoir de précision vis-à-vis, parce qu'en réalité, cela va différer selon les gens. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc il n'y a pas une règle pour tout le monde. On ne peut pas utiliser une règle donc générale qui va être donnée à tout le monde. Chacun sa règle. Ici, ça sera chacun sa règle. وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. Donc cela revient à trois bases. Croire, avoir la conviction, faire et délaisser. Donc croire, faire et délaisser. فالواجبو في الاعتقاد متابقته للحق في نفسه. Donc bien sûr ici donc ce qui est obligatoire donc pour la croyance, c'est le fait de suivre ou d'être conforme à cette croyance donc face à la vérité. والواجبو في العمل معرفته موافقة حركة العبد الظاهرة والباطنة والاختيارية للشرع أمرا وإباحة. Ce qui est obligatoire vis-à-vis de l'œuvre, c'est de connaître, d'être en concordance, donc, c'est-à-dire vis-à-vis de ce que tu vas faire, de ce qui est voyant, de ce qui est caché, de ce que tu fais. Tu dois être en concordance avec la sharia, par rapport à ce qui t'a été ordonné. Ça, c'est le fi'l. Le fi'l, en vérité, il revient à l'wajib et à l'mubah, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est quoi en fait faire? C'est le fait de faire. Donc c'est ce qui est obligatoire ou c'est ce qui est permis? Ça le fait. Et lorsqu'on dit tarq, en fait, on va penser au nahi et au mahzour. C'est-à-dire ce qui est interdit et ce qui est aussi il est comment? Donc il est interdit ou pas ce qui est interdit? C'est-à-dire ce qui est en vérité, donc il est déplaisant, c'est pas mal de le faire. Walwajib fi tarq, c'est-à-dire ce qui est obligatoire vis-à-vis du délaissement, c'est ma'rifat li muwafaqat al kaf. Donc ici c'est de connaître, d'être en concordance avec ceux. Quand est-ce que tu dois t'arrêter en fin de compte? Tu dois être en concordance avec la sharia par rapport à ce comment tu dois t'arrêter afin d'agréer Allah Azza wa Jal. Wa anna al-matlouba minhu ibqa'u hadha al-fi'l ala adamihi al-mustahab fala yataharraku fi talabihi aw kaff an-nafsi al-fi'li ala tariqatayn. وقد دخل في هذه الجملة لعلم حركات القلوب والأبدان. Donc ici quand il parle donc de ce que tu dois connaître, ce que tu dois en vérité avoir comme dogme, ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire, donc c'est vis-à-vis de ce qui en vérité donc par rapport à ce que tu penses dans ce qu'il y a dans ton cœur et aussi par rapport à ce que tu fais. Et par rapport au fard kifayah, il n'y a pas de dabit sahih. فإن كل واحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة. On peut pas dire maintenant dans la communauté c'est fard ayn à trois personnes ici qui deviennent chirurgiens et trois personnes donc qui deviennent mécaniciens. On peut pas dire ça. On va dire c'est fard ayn. On va dire la communauté a besoin de chirurgiens, la communauté a besoin de médecins. On va dire ça de façon générale, mais il y aura pas de dabit. Il n'y aura pas de règle précise qui va nous permettre de dire tel, hein, à gauche chirurgien, à droite mécanicien, en haut éducateur. On ne peut pas faire ça. Parce que pourquoi? S'il n'y a pas d'envie. On va le faire instinctivement, on le fait en vérité par besoin, comme ça. Ou par envie personnelle en vérité des gens. Chacun va préférer en vérité se retrouver dans un domaine. Donc il n'y aura pas d'envie de sahir par rapport à ça. Après, rentre dans beaucoup de points qui sont de Ousul, qui sont en réalité quand même poussés, et on va les passer une chose. Al-Waji, on a vu Waji, combien 110, 110 ou 111, on a vu auparavant. Le point 110. 110, hein. الواجي الحادي عشر بعد المئة دونك لو بوسون العلم كشاف للحقائق لا سونس فا ديفوالي لا فيريتي فا مونتري لا فيريتي فا ايكيرسير لا فيريتي كشاف ال فا دونك كليرمون مونتري لي رياليتي ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعه لمحبته واثار مرضته. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc la créature afin de l'adorer. Cette adoration va englober son amour et le fait de faire passer l'agrément d'Allah avant toute chose. Ça, l'altruisme, c'est le fait de faire passer et prévaloir l'amour et l'agrément d'Allah avant toute chose. Si quand c'est que tu agrées à Allah, tu ne peux pas faire plaisir aux gens si tu as désobéi à Allah. Ça, tu ne peux pas. Hein? Donc, al-mustalzima li ma'rifati. Toujours, cela revient toujours à quoi ? Istikzam ici et marifa. Tu ne peux pas passer par ça que par la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Wa nasabri al-ibadi ilman la kamal lahum illa bih. Donc, ici aussi, donc les serviteurs ne seront pas, Allah Azza wa Jal a fait que les serviteurs apprennent la science et ne pourront pas apprendre cette science, on ne pourra pas être complet, le serviteur ne va pas être complet, hein, ne va pas se parfaire que à travers cette science. وهو أن تكون حركتهم كلها واقعة على وفق مرضته ومحبته. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? C'est que ce que tu fais, tous tes actes, soient en conformité avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك أرسل رسوله. C'est pour ça qu'il a envoyé des messagers. وأنزل كتبه وشرع الشرائع. Et il a descendu les livres et il a bien sûr légiféré. فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركته موافقة لما يحبه الله عز وجل يحب الله منه ويرضاه له. Donc la personne sera parfaite et complète. Elle n'aura pas cette donc le fait d'être complet que si elle fait ce qui est en conformité avec ce que Allah عز وجل aime et agrée. ولهذا جعل أتباع رسوله دليلا على محبته. C'est pour ça qu'il a fait donc ceux qui suivent ses envoyés des exemples hein, de son amour. Alors il a montré qu'il aimait les compagnons, a montré les personnes pieuses même chez Ben Israël dans le Coran, il a montré donné certains cas de personnes donc, qui sont pieuses et qui sont aimées de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit ici aussi, donc قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah va vous aimer et va vous pardonner vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. فَالْمُحِبُّ الصَّادِقُ يَرَى خِيَانَةَ مِنْهُ لِمَحْبُوبِهِ أَنْ يَتَحَرَّكَ بِحَرَكَةٍ اِخْتِيَارِيَةٍ فِي غَيْرِ مَرْضَتِهِ. Celui qui aime Allah, le véridique, il sait que s'il va envers une désobéissance à Allah, il sait que ça c'est une désobéissance. C'est comme une trahison pour lui. Il se sent trahir Allah Azza wa Jal hein, lorsqu'il fait des choses qui, hein, de son propre gré, qui sont en vérité, qui ne vont pas quoi, donc agréer Allah Azza wa Jal. Donc il ressent cela. Il se ressent en train de trahir Allah Azza wa Jal. وَإِذَا فَعَلَ فِعْلًا مِمَّا أُبِيحَ لَهُ بِمَوْجِبِ طَبِعَتِهِ وَشَهْوَتِهِ تَابَ مِنْهُ كَمَا يَتُوبُ مِنَ الزَّنْبِ. Tandis que s'il fait quelque chose qui lui est donc permis, hein, donc aussi donc ou plutôt sa tabi'a va lui permettre de, il est poussé par cela, par sa nature saine ou par ses passions, donc sa shahwa, ses désirs, ses plaisirs, il va se repentir, il va donc revenir à Allah Azza wa Jal et il va demander à Allah Azza wa Jal pardon pour ce péché. Voilà yadalu hada al-amru yaqwa 'indahu hatta tanqaliba mahabatuhu wa mubahatuhu plutôt afin mubahatuhu 'indahu kulluha للطاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهادته وهو دائما واجتهاده وهو دائما بين سراء يشكر الله عز وجل عليها وضراء يصبر عليها فهو صائر إلى الله دائما في نومه ويقظته. Et la personne va se renforcer, ne serait-ce qu'en vérité, il se renforce par rapport à cela. Le fait qu'il est tout le temps en train de rechercher l'agrément d'Allah, que même ce qui est devenu moubah, permis illicite, il le rend en mustahab, en recommandé. Tellement il est tout en train de penser à quoi? À l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça devient après des adorations pour lui. Le fait qu'il dorme, le fait qu'il mange. Hein, tout cela, il espère à partir de ce sommeil, pour se réveiller en forme, pour mieux adorer Allah, il espère à partir de ce repas, pour prendre des forces et pour adorer Allah Azza wa Jal, afin d'espérer quoi? Donc la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, donc dans le fait de prier la nuit, dans le fait de jeûner, dans le fait de faire des efforts. Le corps se fatigue par rapport à l'adoration. Le corps, il prend donc un coup de fatigue. Donc lui, il sera tout le temps. Entre quoi? Donc entre les bonnes choses, savoir donc la gaieté, et il va remercier, il va être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal pour cela. Et aussi donc les épreuves, les moments difficiles, et il ne va pas sentir sur cela. Et il va tourner autour de cela, et il va revenir vers Allah Azza wa Jal à chaque fois, donc qu'il soit en train de dormir ou là qu'il soit éveillé. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en adoration en réalité. Il est tout le temps en adoration. Donc il parle de ça, et dans une autre parole, il parle aussi que la personne va recevoir. Donc il sait que la personne va. Allah il va lui enlever, donc il va patienter. Ça rentre dans le. Il sait qu'il va, il va recevoir, il va remercier, il va être enlevé, il va patienter. Et aussi, donc il va toujours se retrouver dans la vie de la personne, il y a toujours ça. Il y a toujours en vérité des bons et des mauvais moments. Il dit que toute notre vie c'est ça. Donc on aura toujours ça. On va remercier, on va patienter. On va remercier, on va patienter. Qala ba'd al-ulama, donc qala ba'd al-salaf in habbada nawm al-akyas wa fitruhum in yaqbinuna bihi sahr al-hamqa wa sawmahum. Donc on va dire ici, ces gens-là, on va dire qu'ils sont comme ça. Ceux qui demandent al-case, al-akyas, donc c'est le pluriel de case, on va dire celui qui est intelligent. Et qui en va se fâcher. C'est que lui, quand il dort et quand il se lève, lorsqu'il mange, ceux qui ne sont pas intelligents, en vérité, ont raté cela. En vérité, ne profitent pas de cela, ne connaissent pas cela. Ceux qui dorment et ceux qui, en vérité, même ceux qui viennent de rajeuner, mais qui ne connaissent pas, en vérité, ceux qui sont intelligents et qui réfléchissent par rapport à cela. Donc il dit aussi, par le muhibbu sadiqu, in nataqa, nataqa lillahi wa billah. Wa in sakata, sakata lillah. Wa in taharaka, bi amrillah. Wa in sakana, fa sukunuhu, wa isti'anatuhu ala mardatillah, fa huwa lillahi wa billah wa ma'allah. La personne qui aime, donc c'est celle qui aime réellement Allah et qui est véridique, lorsqu'elle parle, elle parle pour Allah et par Allah, c'est-à-dire par ce qu'Allah a légiféré. Et s'il se tait, il se tait pour Allah. Et s'il bouge, il bouge par ordre d'Allah. Et donc, lorsqu'il se repose, il se pose par, en demandant quoi? Donc, il espère, ici, il va demander de l'aide pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il demande pour Allah et demande à Allah. Et avec Allah Azza wa Jal. En fin de compte, il est tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a posé la question à Dhubnoun. Qad su'ila man sifla qal. من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه. Quels sont donc les gens les plus bas? Zonnoul. Elle dit donc, celui qui ne connaît pas la voie vers Allah, il ne recherche pas. Il ne recherche pas aussi à connaître la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reconnaît pas la voie. Donc ici aussi, par rapport à une parole. donc de Mohammed ibn Fadl, qui dit donc ici Zihab al-Islam ala Aidi Arba'ati Asnaf Memnes. L'islam va partir, l'islam pourrait partir donc par les mains de quatre catégories de personnes. Sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Une catégorie qui ne met pas en pratique ce qu'elle connaît. Wa sinfun ya'maluna bima la ya'lamun. Une catégorie qui met en pratique ce qu'elle ne connaît pas. Wa sinfun la ya'lamun wa la ya'malun. Une catégorie qu'elle ni connaît et ni met en pratique. Wa sinfun yamna'una an-nas min ta'allum. Une catégorie de gens qui interdisent les gens de quoi d'apprendre. Il y a des gens comme ça, ils interdisent les gens donc de connaître la vérité. قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل. Donc je dis la première catégorie est celui qui a de la science mais n'est pas en pratique. فهو أضر شيء على العامة. C'est lui qui fait donc qui cause le plus de tort à la population du musulman. Parce que c'est un exemple. D'accord. فإنه حجة لهم في كل ناقصة ومبخسة. Pourquoi? Parce que c'est un exemple envers les gens, vers tout manquement et tout défaut. Toute mauvaise chose qu'il fait, les gens le prennent en exemple. Il l'a fait, alors j'ai le droit de le faire. C'est halal parce que lui, il le fait. C'est un savant. Il en vrai qu'il fait des mauvaises choses, et les gens vont le prendre en exemple, donc ils vont suivre ce mauvais exemple. Donc il dit, ce sont les pires des gens, des invités de la population des musulmans. As-sinfu al-thani al-abidu al-jahilu. Fa'inna al-nas yuhassinuna dhanna bihi. La deuxième catégorie, quelqu'un qui adore beaucoup mais il est ignorant. Et des gens vont le prendre en exemple parce qu'ils ont, le bon doute sur lui. Ils ont un bon doute sur lui par rapport à son adoration et ils savent qu'il est pieux, donc il a une apparence pieuse, donc ils vont le prendre en exemple, mais même dans son ignorance. وَهَذَا سِنْفَانِ هُمَا الَّذَانِ ذَكَرَهُمَا بَعْدُ السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. Et ces deux catégories de personnes, on les retrouve dans les paroles de certains de ses prédécesseurs. Attention à la fitna du savant qui est pervers, ainsi que du serviteur qui est ignorant. فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ. Car leur fitna, leur en vérité, c'est des. Donc, les gens ils sont attirés par ça. C'est une fitna en vérité pour tout celui qui va être meftoun. Les gens qui sont donc facilement touchés. فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَخْتَدُونَ بِعُلَمَائِهِ وَعُبَّادِهِ. Car certes, les gens ne suivent que leurs savants et leurs dévots, les personnes qui sont pieuses. فَإِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ فَجَرَةً وَالْعُبَّادُ جَهَلَةً عَمَّةَ الْمُصِيبَةِ. Si les gens, si les savants sont des fujjar, des pervers, et si les personnes, donc les rebelles, les serviteurs, les dévots sont ignorants, la moussiba elle va se répandre, elle va être généralisée. Le malheur bihima wa uzimat al-fitna ala al-khassa wa al-amma. Et la fitna, donc elle va en vérité toucher, elle va englober en vérité, donc les gens spécifiques et les gens qui sont amma de façon générale. Même des gens qui auraient donc quelques sciences. Tout le monde peut être touché. C'est en vérité le moussiba qui sera général. En sinfu al-thalith, la troisième catégorie de personnes, alladina la ilma lahum wa la amal. Ces gens n'ont ni science et ni acte. Wa innama hum kal an'am as-sa'ima. Ce sont comme en vérité donc, des animaux qui ne parlent pas, ils sont muets. Donc ce sont en vérité des animaux qui sont muets. En sinfu rabi' nawabu iblis fil ard. La quatrième catégorie, ce sont les suppliants de iblis sur la terre. هم الذين يثبتون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين. Sinon, on va être par la route, les gens de طلب العلم et d'apprendre la religion. فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن. Ils sont pires pour les gens que les شياطين du djinn. Donc les شياطين djinn. فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. Parce que pourquoi il barre la route entre les cœurs et la guidée d'Allah Azzawajal et savoir. فَهَوْلَا الْأَرْبَعَةُ أَصْنَافٌ هُمَا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ عَلَى الْعَرِيفِ رَحْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Donc voici ici donc les quatre catégories qui ont été mentionnées. Comment ils font des fois les gens pour dire généralement sur Shabab. Il dit, tu veux travailler pour l'islam? Tu veux travailler pour l'islam? Et en fait, là, tu lui donnes des choses à faire. Ils sont là, 5, 6, ils sont tout le temps ensemble. Ils ont un chef, c'est le chef qui leur demande de faire ce qu'ils veulent faire. Ils n'apprennent pas la religion. Il va peut-être faire réciter 3 versets, 3 sourates exprès. Ceci, il n'y a rien. Alors que l'ibada a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour rien. Alors, ils ne vont pas lui dire, ils ne vont pas inciter les gens à jeûner le lundi, à jeûner le jeudi, à faire des sadaqat, hein, après le nawaf et le rawatib, ou prier la nuit. Non, c'est autre chose. Al-amal, ce qu'ils appellent al-amal al-islami. Et généralement, c'est pour les ramener dans des sectes qui font qu'après les gens, donc obéissent aveuglément au chef, et il peut faire de ce qu'il veut. Mais il a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien fait d'autre que ça. Il a pris réellement la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que la personne l'obéit à lui, il n'obéit plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donc montré comment adorer Allah azza wa jalla. Nos adorations sont spécifiées. On ne prie pas pour l'asr. Il nous a demandé d'invoquer, il nous a demandé de lire le Coran. Pourtant, c'est délimité en temps et en heure. Il y a des duas du matin qui sont spécifiques. Hein? Donc, c'est quoi? Donc, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ici, dedans, il y a toute la dunya. Il y a ta science, il y a ton adoration, il y a ta dunya. Pourquoi le dit matin? Parce que c'est la journée que tu vas rechercher. Et le soir, tu invoques Allah Azza wa Jalla, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla, il a fait de ce que tu as fait la journée. Tu vas invoquer Allah Azza wa Jalla, tu vas le remercier de ce qu'il t'a donné de bien la journée, et tu vas aussi lui demander pardon à Allah Azza wa Jalla de ce que tu as fait dans la journée. Donc tout est limité. La raison qui est complète, elle ne va pas être complétée par n'importe qui, un inconnu. Donc il ne faut pas se faire avoir, il faut revenir toujours en vérité au Coran et à la Sunna. Ce sont eux, Ta'at-Turuq, ce sont eux réellement en vérité qui barrent la route à la foi, à la voie, parce qu'ils te ramènent à autre. S'il n'est pas en concordance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te méfies de lui tout de suite. Et c'est une obligation de toi de te méfier de lui, parce que tu vois qu'il n'est pas en concordance. Il ne t'appelle pas au khair. Il ne t'appelle pas au khair. C'est à quoi 10 minutes des gens posent des questions. Donc, va voir ailleurs. Donc, essaye de regarder pourquoi. Quels sont les sababs, ceux qui veulent dire Al-amal al-islami, Al-amal al-islami, l'acte islamique. Puis maintenant, si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu n'étais pas, tu ne travaillais pas pour l'islam. Tu veux travailler pour l'islam? Tu travailles pour moi, pour entrer au paradis. En travaillant pour moi, je veux travailler pour l'islam. Alaykoum al-Fusakoum. C'est en travaillant pour moi que je travaille pour l'islam. Parce que les gens, s'ils vont voir du bien en moi, ils vont être attirés. Et on a bien vu, le savant qui nous mettra en pratique. Donc c'est pas ça. C'est pas en vérité de dire, c'est bon, moi je travaille pour l'islam comme s'il y avait une carte de membre. C'est pas vrai. Tu dois revenir à ce que Allah a légiféré et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré comme adoration. Comment il a passé son temps dans l'adoration. C'est comme ça. Les compagnons, les salafs et les autres, cherchaient avec détail. Pourquoi ils traversent des pays pour un hadith? N'est-ce pas? C'est pour avoir une étendue d'adoration que nous, maintenant, on en profite. Quelqu'un qui passe des fois, hein, il lâche sa femme, ses enfants, il part. Il revient un an après, ou je ne sais pas combien de temps après. Des fois, il revient un seul hadith du prophète. Mais c'est une guidée. C'est une guidée qui sera très importante. Et c'est chez lui, alhamdoulilah, un compteur dans la hasanat. Il n'a pas fait guider, donc ils ne sont pas arrêtés par des groupuscules. Et chacun, il vient, ils ont un chef, c'est le chef qui décide de tout. Qui est lui? Envoyé par qui? Comment y arrive les chefs? Envoyé par qui? Il n'a pas été envoyé par Allah. Donc il ne faut pas, en vérité, se faire leurrer, se faire avoir par ce genre de choses. Et c'est souvent les jeunes qui se font avoir par rapport à cela. Donc, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le prochain cours pour moi, inshallah, c'est demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais dire ce qu'on voit.